Activité 25. 1. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF793 à destination de Rome partira porte H. 2. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le train TGV 1210 à destination de Nantes partira avec 10 minutes de retard. 3. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le train TGV 1002 à destination de Rennes partira à 9h03.